boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous, ce soir Eric nous emmène dans un pop and rock plein de nostalgie. Il retourne encore une fois dans les années 80. Allez, on commence avec ça. C'était génial et qu'il écoutait ça pendant que vous écoutiez des trucs nuls comme... Salut à tous et puis ben, surtout merci à Nino qui vous a accueilli pendant que moi je réparais notre capricieuse machine à remonter le temps pour nous emmener dans un voyage à lointain quand même puisqu'on va retourner dans les années 80. Alors Nino vous a fait écouter ce qu'il y avait pas vraiment de mieux. Moi je vais essayer de vous emmener de ce que j'écoutais. Donc on a écouté à l'instant Duran Duran et on enchaîne maintenant avec le fameux Captain Sensible. What? Stars banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the paunch of a man drove me berserk. He said, Captain, I said what? He said, Captain, I

quelques ovnis de la musique, je repense notamment à Alt J qui nous fait quelque chose de très différent par rapport à tout ce qu'on peut écouter. Dans les années 80, il y avait un jazzman qui a fait un morceau assez bizarre. Le gars s'appelait Herbie Hancock et le morceau s'appelait Rocket. Un peu de, eh ben de la vague qu'on écoutait à cette époque-là, c'était, ben c'était les musiques venues d'Allemagne. On avait ben notamment, là, je vous propose quatre morceaux. Le premier, enfin, des extraits de Falco avec le morceau Dar Kommissar. Ensuite, Kraftwerk avec le fameux, le splendide Radioactivity. Et le très populaire trio avec Da Da Da. Et puis on écoutera ensuite entièrement Propaganda. Le docteur Mabuse nous accompagnera. Noch rauch. Die Special Places sind dir wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja um. Simba noch dort singen. Kabine Dumbo, oh oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh oh. Er wird dir anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt dich um. Never. En Allemagne, il y avait une autre étoile filante, une astéroïde, ou un astéroïde, comment on dit, je sais plus. Enfin, en tout cas, en Allemagne, il y avait un gars qui était bizarre, qui était maquillé comme un clown et qui chantait comme une diva. Il s'appelait Klaus Nomi. après cette parenthèse enchantée par Klaus Nomi avec cette magnifique chanson The Call Song, on repart outre-Manche pour retrouver un dénommé Vince Clarke, connu notamment pour avoir composé Just Can't Get Enough, le morceau emblématique de Depeche Mode, mais ce soir on l'écoute avec son groupe Yazoo et le morceau Don't Go. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. Your love's gonna save me through. lointaine, sortant de derrière la poussière, espérant que la vie ne fût aussi longue. Dans Pop and Rock ce soir, on est dans la série des one shot. Rappelez-vous les one shot, un groupe, un titre, et après incapable pour chacun d'entre vous de me donner un second titre, soit de Yazoo, soit de Visage. Et donc on continue dans ces one shot avec pareil, une étoile, une comète, Laurie Anderson qui nous parle de Superman. Oh, yeah. Just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I've got a message to give to you. You better get ready, ready to go. You can come as you are, pay as you go, pay as you go. Okay, who is this really? And the voice said, this is the hand that takes. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the C'était le Love Shack des B-52s. Et puis dans cette époque-là, quand on sortait, quand on allait boire des coups, quand on sortait les soirs tard, il y a toujours un moment ou un autre où on sautait sur un truc de ce genre-là. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Après avoir sauté sur Madness avec ce merveilleux morceau One Step Beyond, et ben on allait se reposer un petit peu et on écoutait un morceau de Tears for Fears. Le morceau s'appelait Mad World. Thank you. Allez, l'émission touche presque à sa fin, mais je peux pas vous quitter sans avoir passé quelques extraits de différents groupes que j'aurais aimé vous faire écouter ce soir. On va écouter Howard Jones, on va écouter ABC, on écoutera Kate Bush, et puis on terminera avec Tok Tok et un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Ultravox. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même endroit. Bis à tous. Something.